suis fait mal à le genou lors d'une soirée avec Jake. Je me suis ramassé en skate et je me suis fait mal à le genou lors d'une soirée avec Jake. Oh! Je me suis ramassé en skate et je me suis fait mal à le genou. Je ferai plus de soirée avec Jake. Oh, oh, oh, aïe.